Bonjour les chers auditeurs des Pas-de-Calais, aujourd'hui on va vous faire une petite rétrospective, ou plutôt une grosse rétrospective sur le dernier film GLA qui est sorti avec le DC Universe, c'est la Snyder's Cut de Justice League. Cette version de 4 heures donc qui a été diffusée sur HBO Max, qui sortira aussi en Blu-ray 4K apparemment, donc tout a été fait dans le, on va dire dans la tradition, même si cette version aurait dû peut-être sortir au cinéma plutôt que cette version désastreuse de 2017, qui avait été réalisé par Joss Whedon. Tu connais un petit peu Joss Whedon. Ouais. Bah d'ailleurs, ça tout le truc dessus, c'était que Snyder et Whedon avaient deux visions différentes du film. Sauf que Snyder a perdu sa fille, je crois, entre c'est deux. Ça, et il y a eu un suicide, ouais. Du coup, c'est l'autre qui a dû reprendre le scénario et l'autre qui a fait des coupes et a tranché. Et puis. Il a coupé et puis apparemment, c'était pas du tout le même film que c'était prévu. Disons que il a fait un film à ce que j'appelle à la Avengers, un film beaucoup moins sombre avec pas mal de blagues, pas mal d'incohérences aussi, parce que c'est vrai que cette version de Justice League, c'était du n'importe quoi. Hein. C'était plus une version Super Friends de Justice League qu'une version Justice League DC-verse. C'est bien résumé, c'est joliment dit, on va dire. Mais on fait des blagues, on fait du Captain America, du Iron Man. Puis on a un Steppenwolf qui était vraiment dégueulasse, quoi, physiquement. Ouais, puis pas consistant non plus. Ouais. Donc, un méchant qui était caricatural, il est pas beaucoup moins dans l'autre version, mais on expliquera pourquoi il est plus intéressant. Donc voilà, puis qu'il y a des scènes d'action qui sont assez médiocres, on va dire, dans cette version. Ouais, puis dans la version de 2017, franchement, les scènes d'action, c'était moyen, quoi. T'étais moins pris dedans que dans la nouvelle version de Snyder. Mais c'est en même temps, entre 4 heures et 2 heures, il y a de quoi mettre plus de scènes de baston, on va dire, vraiment brutes que dans une version qui est un peu plus light. Puis là, le gros, la grosse polémique, c'était quand même la moustache de Carville. La moustache numérique, avec cette scène horrible au début de la version 2017 où il était interviewé par un gamin sur un smartphone. Je sais pas si tu te souviens de cette scène. Non, mon cerveau a préféré l'oublier. Je pense que c'est la scène où on le voit le plus, où on voit que c'est vraiment c'est vraiment super mal foutu au niveau du rattrapage de moustache de Henry Carville, parce qu'on voit vraiment qu'il y a un problème de raccord entre la bouche et le nez, quoi. Pas moi, je parle en termes esthétiques, mais c'était vraiment moche d'ailleurs, déjà. Donc déjà c'est de l'Aljart, c'est déjà un bon signe. On donne déjà un premier avis sur la version de 2017 qu'on n'a pas du tout apprécié, hein. Faut dire que c'était soi-disant une suite à Batman vs Superman, mais pour moi c'était un film différent, mais bon. Ah non, complètement différent. Je veux dire, en plus, il t'avait mis de la pression entre les deux personnages dans BVS, où tu sentais vraiment qu'il y avait des enjeux et des personnages bien travaillés, parce que tu pouvais prendre parti pour Wayne, soit pour Superman. Attention, on parle de la version, on parle pas de la version cinéma. Hein. On parle de la version de 2017, là. Non, mais je te parle de BVS. Ouais. Bientôt, il y a la version de 3h aussi. Ouais, mais je veux dire, dans la version qui est sortie au cinéma, on avait des enjeux. Dans la version longue, par contre, on avait des enjeux qui étaient mieux expliqués, et puis ça. En gros, t'avais mis un acte mélodramatique sur tout le truc, et on t'avait mis des enjeux qu'ils étaient plus là dans Justice League, en fait. Ouais. C'est-à-dire qu'après, le développement de personnages dans Justice League, il n'y avait plus, quoi. Il n'y avait plus rien, et puis de toute façon, il y avait des personnages secondaires qui étaient complètement sous-exploités, quoi. Ils étaient quasiment figurants, pour moi. Tu prends Flash, il était complètement figurant. Cyborg, c'était pareil. Comic relief. Cyborg, alors que c'était quand même le plus important du lot, on va dire. Ouais. C'est juste le mec qui fait de l'informatique, quoi, c'est tout, hein. Le geek? Non, pas le geek, parce que c'est un quarterback quand même, mais je veux dire, c'était vraiment le côté mécanique de la troupe, quoi. Voilà. Et il y avait aussi l'arrivée de notre ami Wesh, mais comment il s'appelle? Comment il fait, lui? Mon pote, je sais pas quoi, Jason Momoa, quoi. Alias Aquaman, quoi. Aquabro. Aquabro, c'est ça. On mettait en avant Batman et Wonder Woman, toujours joué par Ben Affleck et Gal Gadot. Et puis on avait aussi le retour d'Henry Cavill, mais c'était vraiment un retour mitigé, quoi, dans le Justice 2017. Ce qui est un peu le cas aussi dans le nouveau. On va détailler tout à l'heure. On va détailler plus tard. Ouais. Et on va peut-être attaquer par un premier avis, c'est-à-dire un petit peu revoir toutes ces scènes qui ont été modifiées, c'est-à-dire que dès le départ, on a une dramatisation de la mort de Superman, quoi. Ce qui est un peu plus normal. Il y a une continuité avec BVS, quoi. Exactement, là c'est une suite directe de BVS, ce qui n'était pas le cas dans la Justice League. Lui, il répand son cri de désespoir. Juste avant de mourir. Ouais. Et il réveille en fait tous les boîtes. Tous les boîtes mères autour du globe. Que Steppenwolf veut récupérer sur la Terre, quoi. Voilà comment ça se présente. On présente déjà, dès le générique, on présente déjà les enjeux. Là, du coup, ça devient des enjeux planétaires. Et du coup, le Steppenwolf, pourquoi il revient chercher les boîtes? Tu comprends déjà mieux pourquoi il vient chercher les boîtes. Parce qu'en fait, les boîtes ont leur propre conscience. Donc du coup, là, tu te dis, c'est un personnage en plus. Ouais. C'est plus un accessoire. Il y a un premier truc, c'est que ils ajoutent un personnage qui est très important dans la mythologie du DC, c'est Darkseid, déjà à la base. Ouais. Donc Darkseid était évoqué dans l'ancienne version, mais il n'était pas montré. Là, on le voit en version numérique. Bon, je suis assez mitigé sur la représentation. Disons que c'est pas le même niveau graphique que Thanos, mais bon, ça se laisse regarder quand même. Ouais, bon, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu dégueu des fois dans les effets toi, spéciaux. Toi, tu penses que c'est pas, il fait plus bonhomme Michelin par moment Non, il fait plus, je sais pas, un mélange entre la chose des quatre fantastiques et un paradémon, quoi. Ouais, enfin, moi, le design, j'avais trouvé qu'il était sympa, qu'il était fidèle à la version comics pour Darkseid, hein, je parle. Maintenant, au niveau de l'animation, je pense que c'est pas de la motion, je sais pas si c'est de la motion capture, mais on sent que le mouvement n'est pas, il y a des mouvements qui sont pas naturels quand on le voit. Enfin, on le voit très peu aussi, hein. Faut dire qu'il y a deux, trois scènes avec lui. Quoi. Puis on le voit très peu en mouvement aussi. Hein. Donc ils refont, si on avance dans l'intrigue, on a déjà le fait que l'enjeu, c'est quand même la survie de la planète, c'est-à-dire qu'on apprend que Steppenwolf a été un petit peu mis de côté parce qu'il a échoué dans une autre mission, apparemment. C'est ce qu'on savait pas. Voilà, lui, ce qu'il cherche, c'est la rédemption de son maître, hein, tout simplement. C'est la reconnaissance. Et donc, lui, il parle pas directement à Darkseid, il parle à son lieutenant qui est Desaad, qui ressemble un petit peu à Darkseid, hein, ils sont un petit peu de la même race, on va dire, d'Apocalypse. Bah, c'est des New Gods. Ouais, c'est ça, quoi. En fait, en référence à Jack Kirby d'ailleurs, parce que Darkseid, je crois que c'est une création de Jack Kirby à la base. Donc lui, il est le lieutenant, il y a le Desaad qui est le lieutenant de Darkseid, et Steppenwolf, c'est le lieutenant de Desaad, en fait. C'est ça, il y a une hiérarchie qui avait pas forcément dans l'ancienne version, quoi, tu vois, déjà. On pose un petit peu aussi les rapports de force. Donc ouais, puis on te met qu'il travaille pas pour son propre compte, ce qu'on pouvait croire au début dans complètement, 2017. Là, ouais. On croyait que Steppenwolf il marchait pour lui-même, mais en fait non, là il a la pression du résultat, entre guillemets. C'est ça, la pression du résultat, comme tout bon fonctionnaire. Comme tout bon employé, ouais. C'est un fonctionnaire d'Apocalypse. Donc là, ce qui se passe, c'est que lui il récupère tous les trois boîtes avec une certaine facilité, je trouve, mais bon, il se bat il se bat contre les Amazones. Les Amazones qui sont pas très... qui sont... Désolé, mais il y a le rapport de force, il est complètement blindé là-dessus, parce que tu peux pas lutter contre des mecs qui viennent de notre planète avec des arcs et des flèches. Excuse-moi. Je sais pas, mais t'as pas vu, toi, Amazones de Themyscira sont moins fortes que les Amazones Du passé, tu veux dire. D'il y a 5000 ans. Ouais, parce qu'il y a aussi cette scène. C'est parce que je veux avancer progressivement dans l'histoire, si tu veux. Donc on reviendra sur cette fameuse scène épique du millénaire, je veux dire. Donc il va à Themyscira pour récupérer la première boîte. Il va à Atlantis au moment où il y a notre ami Aquaman qui rend visite à Mera, d'ailleurs. Et donc, il récupère aussi la boîte avec une certaine facilité aussi. Il y a cette troisième boîte qui est détenue par... l'humanité. Je sais pas si on peut spoiler, parce que... Par l'humanité, on va dire. Et c'est là que Wonder Woman... là, c'est une nouvelle scène, en fait, hein, quand elle jette la flèche pour prévenir Wonder Woman. Elle jette la flèche dans danger le temple qui d'Artémis pour dire qu'il y a un danger. Qu'il y a un danger. Et du coup, Diana, elle sait que si le temple d'Artémis y a brûlé, c'est qu'il y a un problème. Et donc, du coup, elle enquête. Elle enquête, et puis elle découvre l'existence de Darkseid, et elle raconte à notre Affleck, donc Bruce Wayne, le passé de la Terre, parce que c'est un peu le... Avec l'âge des héros. Il y a un côté mythologique, finalement, dans cette scène. L'âge mythologique des héros et des anciens dieux. Où les humains, les Atlantes et les Amazones se sont alliés contre Darkseid pour empêcher qu'il terraforme la planète. Quoi. Pas que, parce qu'il y a eu même un des Lantern Corps et même les anciens dieux. Quoi, parce que c'était pas tu parles aussi du Green Lantern qui se fait tuer en 5 minutes, là. Ouais, qui se fait exploser. Ouais. Mais voilà, il y a quand même le Lantern Corps qui était dans le coin, quoi. C'est ça. Donc il y a aussi un projet de à un état cosmique, on va dire que c'est une menace cosmique quelque part, vu qu'on a un renfort de l'extérieur, quoi. Ouais, d'accord. Il y a un petit problème même là-dedans, c'est que Darkseid il se fait battre par quelqu'un où tu te dis pourquoi lui qui arrive à le battre, quoi. T'as remarqué aussi ce rapport de force qui est bizarre. Ah ouais, il y a un truc de bizarre dans le rapport de force. Enfin, ça serait plus dans une partie spoil, mais il y a un moment tu vois le mec battre Darkseid, tu dis alors il devrait pas avoir de problème pour la suite normalement. Bah, moi je trouve qu'il se fait battre facilement. Surtout par des mecs qui se disent bon, je veux bien que les Atlantes et les humains avec notamment avec les éclairs là, je sais pas, c'était Ça c'était les gods, ouais, justement. À la rigueur avec les éclairs. Parce que tu te souviens de qui c'est qui a battu Darkseid quand même? Bah je me souviens que c'est pas un Atlante qui le... Non. C'est un viking? Non, c'est Ares. Ah, c'est Ares. Tu te dis, il y a un problème de force, du coup. Parce que t'as quand même Wonder Woman qui met une tannée à Ares. Ouais. Alors, du coup, elle devrait mettre une tannée à Darkseid, quoi. Enfin, si tu prends il y a un autre problème de toute façon entre Wonder Woman et Superman qu'on dit tout à l'heure. Je trouve qu'il y aura pas un truc qui va pas non plus, là. Mais bon, pour revenir à cette scène, il y a, c'est vrai qu'il y a quelques défauts de rapport de force, hein, pour moi. Darkseid se fait trop facilement battre pour moi. Bon, après, il était plus jeune, il y a 5000 ans. On va pas texter le fait qu'il était pas très expérimenté. Voilà, qu'il était pas expérimenté et qu'il était trop jeune. Ouais, on va dire ça. Un peu comme Kong, tu vois. Comme Kong. Ouais. Voilà, donc, on avance et puis, voilà. Tout se met en place et ensuite Batman et Wonder Woman et Diana ils ont décidé de dans un premier temps de recruter une équipe, donc ils recrutent difficilement Arthur. Lui il a dû attendre de se faire péter la gueule dans son propre royaume, quoi. C'est ça. Ensuite il y a Flash qui lui adhère tout de suite parce que apparemment c'est quelqu'un qui est assez sociable, hein, on va dire Barry Allen. Ouais, puis il vit seul, alors il se dit ça me fera de la compagnie, hein. Ouais, ouais. Puis il y a cette scène avec la saucisse, quoi, quand il sauve Iris. Ouais, une scène qui était pas du tout dans l'ancienne version, qui a été ajoutée là, mais on en parlera aussi des ralentis, hein, parce que ça aussi faut en parler. Mais là c'est ralenti et plus, hein. Ah ouais, bah c'est la Speed Force, hein. Ouais, ouais. Faut vraiment montrer qu'il y a un rapport. Il récupère la saucisse, mais bon. Je vais assister. Bon, ça, c'est un truc qui m'a fait, bon. Donc, il recrute Flash. On a quelques blagues du style, c'est quoi ton super pouvoir? Bah, je suis riche. Ça, elle était déjà présente en 2017. Il y a quelques blagues qui sont restées, il y en a d'autres qui sont dégagées. Tant mieux, j'ai envie de dire. Mais il recrute aussi, Diana essaye de convaincre, Cyborg, donc, je sais plus son nom civil à Cyborg. Victor Stone. Avec Victor Stone, ouais. Que de se joindre à eux. Lui, un peu plus méfiant. Puis il y a cette relation avec son père qui est un peu plus développée. On revient un peu plus sur ses origines. Ce qui ne faisait pas la version de 2017, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'on voit que c'était un quarterback de génie et de talent. T'as un peu plus de développement personnel dans cette version-là. Ouais. En même temps, 4 heures, t'as plus le temps, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas de souci là-dessus, mais je veux dire, tu comprends mieux les personnages, du coup. Ouais. Même Allen, tu comprends. Même Barry Allen avec son père, tout ça. Avec son père, et tu comprends où il veut en venir. Et je suis désolé, le pouvoir de Flash, tu vois que du coup, qui est hyper cheaté, son pouvoir. Quoi. Ça, on verra au fur et à mesure du film, hein. Parce que après, une fois qu'il a réussi à raconter tout ça, il y a un premier affrontement avec Steppenwolf, où il y a le père de Victor qui est fait prisonnier, si tu te souviens bien. Parce qu'il veut essayer de le faire parler pour savoir où est la boîte. Ouais, il a gardé l'odeur des boîtes mères, tous ceux qui ont côtoyé la boîte mère. Ouais, parce qu'il y a une odeur qui émane de la boîte, apparemment. La boîte, ouais. Et du coup, les paradémons peuvent les retrouver. Apparemment, ça s'imprègne, les humains, ils sont imprégnés de cette odeur, apparemment. Ouais, ce qui permet de retrouver tous ceux qui ont approché les boîtes mères. Donc, il y a ce côté un petit peu animal, finalement, Steppenwolf, c'est-à-dire, il sent, tu vois. Ouais, et puis des paradémons aussi, parce que du coup, je veux dire, quand ils arrivent à retrouver les gens et ça sort moins de nulle part, quoi. Donc, Steppenwolf, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de son apparence, mais avant, il avait un visage qui était plus humain, qui était en motion capture. Là, on voit l'espèce de... finir un peu primaire, animal, tu vois. Ouais, puis avec une armure qui donne un peu plus envie de te méfier, quoi, avec des pics. Il y a un peu plus de classe, quoi. Il est plus imposant, hein. Faut dire ce qu'il faut. Là, tu te dis, il y a une armure, il sait s'en servir. Armes, c'est s'en servir aussi. Il n'y a pas besoin de ces parademons pour... il n'y a pas besoin des parademons. Non. Ouais, là, les parademons, c'est de la main-d'œuvre, quoi. Ouais. C'est backup, c'est carrément de la main-d'œuvre. D'ailleurs, il y a une scène qui a été jartée, je ne sais pas si tu te souviens, c'est la scène entre Batman et le parademon sur l'étoile. Bah oui, parce que le rapport de force... Donc, voilà, quoi. Et puis le parademon qui explose et qui monte le plan en explosant. Alors ça, c'est une boîte mère. Si t'as les trois, c'est la merde. Merci de l'info. Ça, c'était vraiment pour... c'était vraiment la falsité scénaristique de 2017. Ouais, ouais. Ça, c'est horrible. Whedon, quoi. La touche Whedon, on va dire. Donc, ils se rendent quand même compte qu'il y a Steppenwolf, ils pourront pas le vaincre à 5. Bah, il y a 4. Les Amazones qui ont essayé, là, ils sont fait écrabouiller. Non, mais par exemple, il y a Diana, il y a Batman, il y a machin. Donc, ils sont à 4. Et puis là, ils se disent, il y a un rapport de force, il faut qu'on inverse la tendance. Ouais. Donc, il faut inverser la tendance. Donc, la solution, c'est qu'ils ont trouvé, c'est que d'utiliser la boîte mère pour faire ressusciter le cadavre de Clark Kent. Parce que Victor Stone leur a dit, il me semble de mémoire, que ça réinitialisait un être à l'état qu'on voulait ou qu'il soit réinitialisé. Ouais, donc c'est ça. C'est pour ça qu'ils arrivent à convertir toute une planète en parademon, parce que ça, en gros, ça réinitialise la planète au niveau subatomique, enfin un truc dans le genre. Par contre, cette scène, il l'a pas dans la nouvelle version. Quand t'as la scène où il transforme tous les humains en parademon, je sais pas si ça. Ça, il l'a pas, mais c'est expliqué dans le truc. D'accord. Ça dit ce qu'ils disent, que si les boîtes sont synchronisées, eh ben la Terre sera pas terraformée, sera apocalypse reformée. Ouais, c'est ça, on va dire adapté aux besoins, quoi. Adapté aux besoins de celui qui a mis les boîtes. Besoin de Darkseid en l'occurrence. Donc eux, ils tangent l'expérience, mais ils sont pas sûrs que Superman reviendra tel qu'il est. Parce que ça réinitialise les cellules, mais ils savent pas pour son intellect qu'est-ce qui va se passer. Bon, puis il est mort, donc Flash se sert de ses super pouvoirs. Ouais, qui ont déjà un peu plus de sens d'un coup, parce qu'il peut utiliser la Speed Force pour créer des surtensions. Ouais. Donc du coup, il veut créer une surtension dans la boîte mère pour la forcer à réinitialiser Superman. D'accord. Donc on est dans le vaisseau de Kal-El. De notre kryptonien préféré. Ouais, de notre kryptonien favori. Ils le mettent dans l'eau avec son costard et tout. Il y a, voilà. On voit la photo de Kevin Costner d'ailleurs. Exactement, de père, Jonathan Kent. Jonathan, ouais. Donc il balance la décharge, on va dire. Et puis ça marche. Entre temps, il y a quand même Cyborg qui a des visions un peu apocalyptiques. Ouais, puis il y a le vaisseau justement kryptonien, ouais, qui discute avec Cyborg, parce que ce qu'il faut dire sur Cyborg, c'est que c'est un dieu numérique. Ouais. C'est-à-dire tout ce qui est numérique, informatique, etc. Il peut contrôler la planète au niveau informatique, il y a pas de problème. Missile nucléaire, il peut y aller. Donc du coup, il arrive à pirater entre guillemets le vaisseau kryptonien parce qu'il peut se mettre en synchronicité avec lui. Et du coup, le vaisseau kryptonien, il lui dit quand même si tu ressuscites Superman, voilà ce qui pourrait se passer. Ouais, donc il y a des espèces de versions un peu de visions un peu cauchemardesques, on va dire. Notamment, on a Superman qui tient un cadavre, je suppose que c'est celui de Lois. Un cadavre carbonisé. Après, t'as Darkseid qui pose la main, apparemment. Sur les Darkseid aurait le pouvoir de l'influencer, d'après ce que j'ai compris. Après, il y a les histoires de. Alors, en fait, c'est déjà une première scène qui te renvoie à la scène de ce qu'on appelle le nightmare. De Batman. Où les deux ils sont opposés, quoi. Où Superman est passé du côté obscur, on va dire. Donc, il y a une première scène, et puis bon, il ressuscite Superman. C'est vrai qu'on a oublié de parler un petit peu de l'état psychologique de Lois, parce qu'on a plus de scènes avec Lois Lane qui est jouée par Amy Adams, et on a aussi le retour de la mère de Martha, Martha Kent, qui est jouée par Diane Lane. Martha, why you say that name? Donc Martha qui vient de je sais pas une ou deux fois voir qui quitte Smallville, ouais, parce qu'elle vend la maison. Quitte Smallville parce qu'elle a perdu sa maison et elle vient rendre visite à Lois alors que c'est pas Martha. Ouais, mais ça c'est un gros spoiler. Un gros spoiler. Donc on en parlera tout à l'heure. Et ça t'avais rien à foutre là cette scène quand c'est pas Martha. Elle est complètement. Du coup ça pète tout le. Complètement maladroite, je trouve. Ça pète tout le. C'est maladroit. La symbiose qui entre les deux femmes. Ouais, c'est ça. Donc Lois, elle est plus dans un état de dépression. Elle veut plus travailler au Daily Planet parce qu'elle a perdu Clark. Bah, elle est dévastée, hein. Elle va souvent sur sa tombe. Puis là, c'est super récent parce que ça fait pas longtemps qu'il est mort. Ouais. Donc du coup, elle a pas eu le temps de faire son deuil et ça, c'est très intéressant. Mmh. Donc elle va souvent sur le monument et puis elle repart. Puis c'est juste au moment où elle est en pleine ville que notre ami Cavill y arrive. Voilà. Alors il a perdu son. T'as remarqué, il y a son pantalon de funèbre. Ouais, mais il a perdu le haut. Bah, donc il arrive. Faut montrer le torse poil. Ah, ouais, c'est ça. Il pompe le torse. Et puis au départ, bon, il est désorienté, super sympa. Puis il arrive que moi. On en parlait l'autre jour, et puis il y a un truc que je voudrais te soumettre concernant la sécurité, parce que ils sont pas sûrs qu'ils les reconnaissent ou qu'ils soient pas en colère, quoi, finalement. Ils sont pas sûrs du résultat psychologique, c'est-à-dire qu'ils peuvent réinitialiser, entre guillemets, son corps, mais ils savent pas ce que ça fait sur le cerveau. Parce que dans la version de 2017, il y a un moment, il y a ce passage-là, il a été supprimé, c'est qu'il demande à Bruce, est-ce que tu saignes? Et là, il le dit pas. Donc on sent la colère de, quelque part, de Superman. On lui dit, il se demande, il est en colère parce qu'ils l'ont pas laissé mourir, tu vois ce que je veux dire? J'avais l'impression que c'était ça dans la version de 2017. La version de 2017, c'était ça. Ouais. Parce qu'il dit clairement, il dit tu me laisses pas vivre, tu me laisses pas mourir, qu'est-ce que je dois faire? Il y a un défaut dans la sécurité de chez Cyborg qui met à lancer un missile. Donc lui, il prend ça pour une agression. Moi, j'ai mis un doute parce que si le mec peut pas contrôler tous ses systèmes de sécurité et qu'il se met à tirer sur n'importe qui, ils ont pas fini, quoi. Ouais, bah, c'est un flic américain, quoi. Donc toi, tu me disais parce qu'il avait été influencé par la boîte mère pour. Bah, comme il a dû rentrer en synchronicité avec le vaisseau kryptonien et la boîte mère. Bon, ça a peut-être fait bugger le système. Ou alors il a fait une mise à jour Windows. c'est une excuse scénaristique pour lancer la baston. Ouais. Mais c'est exactement comme celui de 2017. Ouais, donc moi j'aime pas cette scène déjà. Je trouve que bon, il y a un excès de cruauté dans le personnage de Superman qui a rien à foutre là-dedans, pour moi. Ah, moi, pour moi, ils ont essayé de montrer que Superman il est Boy Scout parce qu'il a un vécu. Tu vois, là il est réinitialisé, c'est pas qui il est, ça fait un peu comme Superboy quand il est réveillé. C'est-à-dire que quand Superboy est réveillé, il y a que 6 mois d'existence, donc il sait pas ce que c'est, donc il fait qu'en fonction de ses instincts primaires. Ouais, mais du coup, Superman, s'il fait comme ses instincts primaires, bah tu le cherches, il te casse la gueule. Il se défend, quoi. Là, c'est ça que t'allais dire, c'est qu'il se défend. Non, du coup, il va te péter la gueule, il va te montre que le plus fort c'est moi et me cherche pas, quoi. Ah ouais, tu penses que c'est une réaction d'ado, quoi. Bah, je pense, hein. Parce que quand c'est ce qui est arrivé dans Young Justice, c'est que Superboy, c'est exactement ce qui est arrivé, comme il a que 6 mois d'existence, à un moment, il réinitialise ses souvenirs un an en arrière. Ouais. Un an en arrière, il n'existait pas, donc ça devient une bête primaire, quoi. Ah ouais. C'est-à-dire que dès qu'on le cherche, il pète la gueule à tout le monde. C'est pour ça que j'ai vu un rapport entre les deux, moi. Ouais, peut-être, mais moi, je pars du fait que dans son fort intérieur, on va l'appeler Kal-El ou Clark, ou c'est pas quelqu'un de méchant. Il faut vraiment qu'il soit sous influence pour être aussi cruel qu'il l'est dans cette scène. Parce que moi, je trouve que. Bah justement, je sais pas si c'est Cavill qui le joue mal. je trouve que j'ai l'impression qu'il est dans le, il est vraiment dans la haine, quoi. J'ai plus l'impression qu'il a aucun souvenir. Ouais, il y a un amnésique. C'est-à-dire qu'il est brut, il y a un amnésique. Mais est-ce qu'il doit être agressif comme ça? Bah ouais, c'est un homme, c'est normal. Non, mais c'est complètement con. Puis en plus, bon, je veux bien qu'il me foute la tatane à Momoa ou à Gal Gadot ou aux autres. Mais non, à Flash Cyborg ou Aquaman. Mais Diana, excuse-moi, mais là, il y a un rapport de force qui va pas, quoi. Diana, elle est quand même, c'est quand même censée être une déesse, quoi. Puis Diana, elle est pas censée se faire étaler comme ça, hein. Normalement, elle est statistiquement moins forte que Superman. Par contre, c'est une guerrière. Donc elle est endurante. Non, puis elle compense par les arts martiaux, qu'elle sait pas gagner en force. Donc là, il y a un rapport de force qui va pas. Donc, c'est un détail. Est-ce que pour toi, c'est logique que Superman l'emporte sur Diana, quoi, finalement? Ouais, s'il se retient pas, ouais, c'est logique. D'accord. Donc, parce que là, t'as vu, il se retient pas. Ah non, il se retient pas. S'il se retient pas, il démonte qui? Il se retient pas, la vision rouge, là, il détruit tous les véhicules, il détruit tout. Justement, c'est pour faire le, moi je pense que c'était surtout pour faire le rapprochement avec la vision cauchemardesque. Le nightmare, là, ouais. Ouais, le nightmare, ouais. Parce que regarde, dans le nightmare, il se retient pas parce qu'on suppose que Lois est décédé. Ouais, mais là, il est sous influence. Voilà. Mais s'il se retient pas, voilà, tu t'arrêtes pas Superman. Et là, t'as vu, il se retient moins, bah, jusqu'à ce que Lois arrive ou ça lui lance un déclic, comme ouais, mais bon, c'est un petit peu. Comme c'est pratique. C'est à l'arrache, quoi, quand même. Ah, bah, c'est à l'arrache, comme dans celui de 2017. Parce que là, il était prêt à disperser Batman, hein. On le voit, il se mène, et puis ses yeux deviennent rouges. Puis il lui tire dessus, hein. Mais moi, il y a un truc, tu vois, moi, je réagis par Après, rapport. Il va peut-être falloir arrêter d'être bloqué là-dessus pendant 15 minutes non plus. Mais par rapport à BVS, c'est un dernier point avant qu'on passe à une autre scène. À BVS. Quand t'es pas sûr qu'un mec, il revienne comme il est, que t'as l'arme pour le paralyser, je sais pas moi, Wayne, il sait bien que le mec pète les plombs, par exemple, Superman pète les plombs, il commence à tout détruire. Il y a qu'une seule arme qui peut l'arrêter. Il peut pas avoir un échantillon de kryptonite sur lui. Encore une fois, ça se passe quelques jours après la mort entre guillemets de Superman. Ouais, mais t'es quand même en alerte. Tu te dis, si ça marche pas, il faudra un plan de rechange, quelque chose pour l'arrêter. Là, il y avait rien. Là, il était prêt à se faire désintégrer. C'est le rôle de l'urgence. Ben oui, mais il aurait pu prévoir... Non, t'as pas compris ce que je voulais dire. Non, je vois où tu veux en venir. Ouais. Ça marche dans un comics. Ça marche pas dans un film. Il est arrivé à le battre avec tous les kryptonites qu'il y avait dans BVS. L'autre, il était quasiment à genoux. Il aurait pas pu prévoir une espèce d'arme avec de la kryptonite au cas où ça a dégénéré, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Bah, pas dans l'urgence, je suppose que non. Mais après, c'est... Ah bah si, quand même. Après, ça reste un film. Ah bah si, tu veux ressusciter quelqu'un, je vais pas tergiverser, mais bon. Pour moi, il aurait fallu avoir une arme de dissuasion pour pas le contrôler, mais l'arrêter, parce que s'il pète les plombs, il commence à tout détruire la ville ou à tout raser, l'armée ne pourra rien faire, et c'est tout, quoi. Moi, il y a un truc qui va pas, quoi. Moi je réagis au niveau comics, au niveau par rapport à BVS. Moi, je trouve que il aurait été logique que Wayne y ait de la kryptonite sur lui et qu'il s'en serve le moment venu, tu vois. Mais peut-être qu'il l'aurait pas eu, parce qu'il l'aurait vu, hein. Il aurait peut-être vu au niveau de la vision X, mais qui aurait pu s'en servir d'une autre façon, tu vois. Enfin, moi, je réagis comme ça, mais c'est tout, quoi. Parce que j'aime pas cette bagarre, donc j'essaie de trouver tous des trucs qui vont pas. Donc on va passer à une autre scène. Donc Superman revient, donc Lois le rappelle à son humanité, on va dire, et ils vont à Smallville, parce que lui apparemment il se souvient d'un coup qu'il doit aller à Smallville. Ouais, parce qu'il l'emmène d'ailleurs. Il fait ouais. Mac 1 avec quelqu'un dans les bras, elle meurt pas, mais bon, ça, on en reparlera plus tard. Ça, il y a un problème parce que l'histoire de la... ce qu'on appelle, je sais plus, la pression qui est exercée dans les airs. Ouais, je vois, l'accélération. Ouais, ouais. Elle se prend 2G dans la gueule, tout va bien, quoi. Et sans combinaison. Le truc, c'est que quand elle arrive, elle est même pas décoiffée, quoi, tu vois. Oh ouais. Elle aurait pu être, tu sais, les cheveux en l'air, tu vois, un truc comme ça, ça aurait été... Mais non, là, ils arrivent comme si ils avaient fait 10 mètres, quoi, tu vois, un truc comme ça. Donc ils arrivent dans le champ, elle lui donne une chemise parce que là, tu as froid. À force d'être torse-poil, elle va se mettre dessus. Donc il va dans le champ, puis il commence à parler, ceci, c'est à peu près la même scène que dans la version de 2017. Ouais, c'est un peu plus détaillé quand même. Parce puis après, t'as Martin... Parce que là, il explique quand même bien qu'il sait pas encore trop qui il est. Ça y est, les souvenirs commencent, il commence à se souvenir que c'est ses potes, qui a quand même malmené, tu vois. Et puis après, moi j'ai trouvé une des plus belles scènes du film, c'est quand il y a Martha qui arrive et puis qu'il les prend dans ses bras, puis ça fait vraiment une scène iconique parce que il sert les deux femmes qu'il aime au plus au monde, c'est-à-dire sa mère et sa femme. Donc ça, c'est une très belle scène du film, je trouve, qui était pas dans la scène de 2017 d'ailleurs, dans la version de 2017. Donc lui, ben, il reprend ses conscients, il reprend le fait, le conscient le fait que c'est le sauveur de l'humanité, qu'il faut qu'il fasse quelque chose pour aider ses potes. Donc il retourne à la forteresse de solitude. On voit cette scène qui est nouvelle aussi. C'est tous les différents costumes de Superman. Même le costume, il y a même un costume. Espèce de scaphandre. Là, ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Bah, c'est la Jor-El. C'est la Jor-El. Ouais. C'est la battle suit, je crois, ça d'ailleurs. Je sais plus, mais bon, il y a plein de, il y a un peu de geekerie, on va dire, dans cette scène. C'est-à-dire que. Fan service. T'as le costume de Man of Steel, t'as le costume de BVS, puis t'as son fameux costume noir qui plaît tant aux fans, tu vois. Ouais, qui est censé lui donner plus d'apport énergétique. C'est ça. Quand il va au soleil, en fait, son costume, apparemment, il est rechargé, j'ai pas. Ouais. Donc il est plus fort, quoi. Alors, il devrait sortir des trucs comme ça pour les iPhones, parce que ça me permettrait de le recharger un peu au soleil. Avec des, tu sais, avec des pépites de cristonique dedans. Tu sais. Avec du Donc tu vas au soleil, puis t'as cette scène un peu qui est très iconique dans Superman à chaque fois. Hein. On l'a vu dans Superman Returns, on l'a vu dans les Superman et Christopher Reeve. La scène christique, ouais. Ouais. Ça c'est trop, je trouve. Ouais. L'apport, mais ouais, mais bon. Comme c'est indissociable de Superman, pour moi ça me dérange pas. Mais bon. Donc il fait ça, ça dure quelques secondes, bon, c'est bien. Et finalement il y retourne. Et on a un changement total de base pour Steppenwolf, parce que c'est plus dans un village qui est habité, parce qu'il y avait plein d'habitants, il y avait plein de populations autour de cette base. Ouais, qui avait été rajouté après pour dire faut quand même de l'enjeu pour les gens. Ouais. Ouais, ça va, sauver la planète, c'est déjà pas un assez bon enjeu, faut avoir envie de dire essaye de sauver la planète, tu verras après. Et encore là, on va reparler de cette scène-là, parce qu'ils arrivent à retrouver Steppenwolf. Ouais. Cette fois-ci grâce à un concept qui rend un peu moins con les humains, parce que là quand je t'ai dit dans 2017, ils laissent la boîte mère comme ça alors que les autres sont en train de se casser la gueule les uns les autres. Tout le monde laisse la boîte mère libre, tandis que là pendant qu'ils sont en train de se foutre sur la gueule, t'as quand même Victor Stone qui dit merde, machin, il va venir chercher la boîte mère. L'activer, ouais. Et c'est là où tu te dis, il la prend et il active un truc qui la rend hyper bouillante, comme ça on peut la localiser. D'accord. Donc c'est la POC, quoi. Ouais, c'est la POC. Non, du coup, c'est le traceur. Du coup, il arrive à mettre un traceur, entre guillemets, dans la boîte mère pour te dire, ce sera le truc le plus chaud de la planète. D'accord. Donc du coup, là, vous pourrez le trouver et ce sera là. Ça fait un peu moins con. Je regarde, t'as la boîte mère, les Amazones, elles le mettent dans un temple inondable. Les Atlantes, ils le mettent dans un temple hyper bien gardé. Les humains, ils l'enterrent sur 3 mètres de terre. Tu vas pas me dire que de mettre une boîte dans un temple qui est quand même comme isolé et qui croit qu'ils vont essayer de noyer la boîte en faisant exploser le truc parce que tout tombe dans l'eau. Bah, c'est déjà mieux que de l'enterrer à 3 mètres de profondeur. Hein. Bah, les humains, ils sont pas fait chier. Il n'est même pas au sein d'Atlantis. Il est carrément à l'extérieur dans un temple. Il est pas protégé quasiment. Bon, ils veulent plus le protéger parce que là, justement, ça a un rapport avec Orm en fait. Et du coup, comme Orm, il projetait de conquérir justement le monde et de faire son plan, du coup, lui, ça l'arrange bien, fait que le temple soit pas gardé. Comme ça, Aquaman, il doit se démerder tout seul, et puis c'est à lui de gérer le problème de la boîte. Dans cette optique que tu parles, c'est un lien direct avec Aquaman, le film, quoi. Avec la rivalité entre Arthur et Orm, tout ça, là, Exactement, le pouvoir, c'est vrai que dans cette version-là, Aquaman, c'est pas encore le roi de l'Atlantis. On voit qu'il y a encore une cohérence dans ce que j'appelle le Snyderverse, quoi, tu vois. Ouais, il y a encore le DCU verse, là, il est encore présent. Sur de bonnes fondations, quoi, ce que j'appellerais. Il y a encore juste des fondations. Parce qu'avec Wonder Woman 1984, il n'y a plus de fondation du tout. Bon, même avec Aquaman et Shazam. Shazam, encore pire. C'est encore pire, je crois, ouais. Donc, on parlait de la découverte de la troisième boîte mère, et puis ça y est, on en arrive à ce duel dans le dôme, qui est protégé par une espèce de champ de force. Ouais, puis dans le dôme, deux personnes entrent, une seule sort. Ça, c'est Mad Max 3, si je me souviens bien. Le pire des Mad Max, d'ailleurs, mais bon. Mais en fait, là, il veut activer les boîtes mères pour commencer la terraformation, on va dire. Puis t'as toute l'équipe qui arrive, et puis Superman arrive aussi sur ce fait. On voit qu'ils essaient quand même de garder la situation, le contrôle de la situation, par rapport à la version de 2017, où ils s'en prenaient plein la gueule et tout, ils n'arrivaient pas à contenir, et qu'il y a une fois que Superman arrive, que ça y est... Une fois que Superman arrive, ça y est, la situation est réglée. Là, il y a déjà, on voit déjà que l'esprit, le travail d'équipe paye quand même pour moi. Ah, tu vois, le travail d'équipe qui est plus, on va dire, développé parce qu'ils arrivent à tenir tête. Alors, vraiment, à tenir tête à trois, en fait, Flash, Aquaman et Diana, en fait. À tenir tête plus à Sephiroth. À Steppenwolf, que là, c'était Superman, comme tu disais, en 2017. Ouais, il arrive et puis il casse tout. Ouais, il arrive, c'est lui le patron, il met une patate au taulier et puis Ouais, ouais. Tout le monde dégage, rentre chez alors lui. Alors que là, Superman, il est un peu, disons qu'il inverse les, il inverse le rapport de force de, cette fois-ci. Ouais, puis pas tant que ça, parce que tu vois, il met des grosses tannées à Steppenwolf, ouais. Et tu vois, il le bat pas aussi facilement que ça, quoi. Ah non, il faut quand même un combo de toutes les déités pour pouvoir battre ce Steppenwolf. Ouais, là, on voit vraiment que c'est l'unité de la Justice League, quoi. Exactement. Ouais. Là, dans cet épisode-là, dans cette version-là, c'est vraiment la Justice League qui bat Steppenwolf, ouais, ouais. Et pas juste Superman. Et pas juste Superman qui se ramène sa grosse, son gros torse et qui bombe, quoi. Bon, il y a plusieurs situations qui s'enchaînent et puis on va créer un nouveau suspense avec Batman qui doit contenir les parademons, si je me souviens bien. Il y a la Batmobile, puis on a aussi parlé de cette histoire de, je crois que c'est le Fire, une espèce de Flying Fox, tu sais, le gros avion qui les ramène jusque là-bas, là. Ouais, le, La Batwing. J'ai envie de dire le Quinjet, moi. C'est une espèce de Batwing, grand format, on va dire, leur ouais. truc. Puis après, t'as la Batmobile qui défonce tout aussi, hein. Avec le suréquipement de la Batmobile, voilà, c'est un peu comme dans la version de 2017. Donc, il y a Batman, entre nous, Batman, il tue personne, mais là, il massacre tout le monde, quoi. Ah, il massacre tous les paradémons, quoi. Les paradémons, c'est moins grave. Donc, avec son gros pistolet laser, là, à l'Avengers, tu vois, des fois. C'était quoi les méchants dans Avengers, là? Chitauri. Les Chitauri. Ils avaient des gros fusils laser, tu vois. Donc, ça défonce de tous les côtés. Il y a une super scène d'action. Elle est vraiment pas mal, celle-là. Puis, bon, il y a tout un enchaînement. Superman arrive quand même à maîtriser plus ou moins. Mais il faut qu'il retarde quand même l'évolution par rapport le plan de, parce qu'il y a un plan qui est totalement différent de la version de 2017. C'est qu'il faut rentrer au sein des boîtes mères pour pouvoir les désactiver, justement. Là, cette fois-ci, Victor doit désynchroniser l'unité des boîtes mères. C'est ça. Si ma mémoire est bonne. C'est moins facile parce qu'ils échouent quand même. Donc, du coup, c'est moins facile. Ouais, et puis il y a un côté métaphorique où il rencontre sa mère et il se rencontre lui-même. En fait, il y a une espèce de tentation un peu faustienne de dire si tu viens avec nous, bah tu seras intégré à notre milieu, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Ils veulent corrompre tu seras dans l'unité. Et lui il se rend compte que non, c'est fini, qu'il faut que ça s'accepter comme soi-même, puis voilà, quoi. Puis il y a Flash qui se prend un malheureux coup de rayon laser, hein, on va dire. Donc du coup, il est plus en capacité de courir de aussi vite, de surcharger les boîtes mères justement. Et puis là, le drame arrive, c'est que la terraformation commence, quoi, et puis tout est quasiment détruit, quoi. Et c'est là où tu vois plus de pouvoir de la part du Flash. Ouais, c'est-à-dire que du coup, il se désynchronise de la réalité, en fait, hein, comme le Flash sait le faire. C'est ça. Puis bah, du coup, CTRL Z, quoi. Et là, c'est le gros clin d'œil à Flashpoint. Exactement, pour moi. C'est un gros clin d'œil au Flashpoint. Ouais, carrément. Là, il module la réalité, il revient en arrière pour la remettre là où il faut, quoi. Là où elle s'était arrêtée. Ouais, comme un magnétoscope courant. Comme le premier Superman à remonter dans le temps pour sauver Lois. Il y a une espèce de rotation de la Terre, là, c'est pareil. Il arrive à ça, puis après, t'as vraiment l'unité, c'est-à-dire que ils s'y mettent tous, que ce soit Aquaman, que ce soit Diana ou Superman, Steppenwolf s'en prend plein la gueule, puis finalement, il y a la tête qui vole, quoi. Ouais, voilà. T'as Aquaman qui le transperce par l'arrière, comme il y en a qui transpercerait Vision. Après, Superman lui colle une patate de forain, il décolle, et là, t'as lui tranche la tête. Carrément, quoi. L'unité de la JLA a battu l'unité des boîtes mères. C'est ça. Donc lui, il finit, parce que on voit Darkseid qui se prépare à venir sur Terre. Je vois pas pourquoi il viendrait, parce que de toute façon, il n'y a plus rien. En plus, t'as l'impression que cette scène, elle t'a pas donné l'impression qu'il y a un vide qui est créé, finalement. Qu'il y a plus du tout de monde qui existe. Non, je vois pas où tu veux en venir. Si, il y a une espèce de vide cosmique, on a l'impression que tout se distille, puis il n'y a plus rien en dessous. Ouais, quand Flash, il rentre en vibration. Ouais, c'est ça, juste avant, ouais. Ouais, t'as plus l'impression qu'il y a de Terre non plus du tout. Bah, c'est ça qui me paraît assez bizarre. Je dis, ah ouais, il y a un truc qui va pas. Mais ça finit comme ça, et que la tête, elle finit au pied de Darkseid. Puis lui, de ça, il dit, t'as vu, de toute façon, c'est un gros nulard, il boit rien, quoi, tu vois. Je t'avais dit qu'il allait échouer. Donc il fait la gueule et puis il se retourne et puis voilà, quoi. Et puis il écrase la tête de son pote. Ouais, complètement, bon. Il dit, allez, on va faire l'ancienne voix. on va faire l'ancienne, quoi. L'ancienne. Et puis, on va leur péter la gueule en live. Donc il y a déjà un teasing pour le prochain film. Ouais, qui aura jamais lieu. Ouais. Et ça y est, bon, ils sont tous copains, ils serrent la main et tout. On voit cette belle scène où ils sont rassemblés sur le flanc de la montagne. Ouais, où ça fait un peu le générique de la Justice League. Ouais, carrément, hein. Quoi. Ouais, ça fait très geek, hein, comme image. Ouais, c'est très fan service. Ouais, ouais, carrément, quoi. Puis voilà, quoi. Puis on a pas cette scène complètement ridicule où Superman court avec Flash pour faire un concours, quoi, tu vois. Ouais, concours. C'était vraiment nul, quoi, cette scène. Celui qui va le plus vite. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, il y a clairement démontré que c'est Flash qui va le plus vite parce que bah il dépasse carrément les vitesses de la réalité, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Flash qui est plus rapide, à ton avis, dans l'univers DC? Bah, je sais pas, parce que dans l'univers DC des comics, on va dire. Ouais. Il arrive à sauver toute la population d'une ville de Corée, je crois que c'est Séoul, en moins d'une demi-seconde. Ah, d'accord. Donc, je pense que au niveau rapidité, il y a pas mieux. Même numéro 2, Superman numéro 2. Après, on a cette scène qui est un rajout. Hein. En fait, il y a eu des reshoots, hein. Donc il y a 4 minutes de nouvelle scène avec cette scène de un nouveau chapitre du Nightmare. Bah, on l'a vu dans le trailer, hein. Ils ont complètement tout dévoilé dans le trailer. Ouais, tout dévoilé. C'est ça que je trouve que c'est complètement con. Donc on a Mera, on a Deathstroke, je crois. Deathstroke, Mera, Batman, il y a Flash, Cyborg, Flash avec son armure. Flash en armure. Ouais, Cyborg. Il y a Batman version Nightmare. Et puis la surprise du film, c'est le Joker. Notre ami Jared Leto qui s'est évadé de Suicide Squad, quoi. Mais bon, j'ai trouvé meilleur look que dans le Suicide Squad. Mais bah, il fait plus Joker paranoïaque que dans Suicide Squad. Hein. Un peu le maquillage à la Heath Ledger, tu vois, dans The Dark Knight. Plus décomposé, moins, on va dire, moins sex symbole. Moins gangsta, tu vois. Moins sex symbole que dans Suicide Squad. Ouais, complètement. Donc on est un peu plus dans le Joker raccord du comics, quoi. Ouais, Joker complètement malade, quoi. Donc on voit il y a des tirades entre Batman et Joker qu'on verrait dans un comics. C'est-à-dire que Batman lui dit je vais te tuer, hein. Je te jure que je vais te tuer, quoi. Et l'autre il commence à flipper, quoi. Il dit tu rigoles, hein. Ouais, j'y ai cru. Ouais, j'y ai cru, mais je crois que Batman il veut vraiment le faire, hein. On se rend compte que c'est un cauchemar, mais est-ce que c'est, pour moi c'est la vision d'un univers parallèle. Ah non, mais c'est clairement expliqué. Parce que même le Joker lui demande dans quel univers on m'a dit c'était parallèle. Une vision du futur. Non, parce que le Joker il lui demande dans quel univers parallèle il a pas tout foiré. Donc il dit dans quel multivers t'as pas tout foiré. Ouais, c'est vrai qu'il y a une notion du multivers, j'avais pas retenu. Mais donc on va dire que c'est une vision du multivers qui est très noire, vu que Superman est un suppôt de Darkseid quasiment. Donc il extermine tout le monde et à la fin il arrive avec ses yeux rouges, quoi, si je me souviens bien d'ailleurs. Il est prêt à sa vision thermique, prêt à les désintégrer, prêt à dégainer. Ouais, complètement. Donc ça se termine là, il y a Ben Affleck qui se réveille. D'ailleurs, on voit que Ben Affleck a maigri dans cette scène, je sais pas si t'as remarqué. Ouais, il est un peu plus mince. C'est une nouvelle scène qui a été tournée l'année dernière. Et puis là on a le gros spoiler de fin. Déjà on l'avait vu précédemment dans la scène avec Martha, où tu disais que c'était complètement maladroit. Et là je te rejoins dans le cadre de la relation entre Loïs et Martha. Exactement. Ça c'est complètement foiré. Ça désamorce toute la tension qu'il y a entre les deux, c'est dommage. Il y a cette relation qui est complètement foirée, moi, à ce niveau-là. Et puis on apprend que c'est le Martian Manhunter, qui est en fait le général Swanswick qu'on voit dans Man of Steel aussi. Tu vois, tu l'avais reconnu? Non, je l'ai pas reconnu. Il y a le général Swanswick, celui qui interroge Superman dans Man of Steel. J'avais pas fait le rapprochement. Donc c'est lui, hein, le Martian Manhunter. C'est lui qui s'est caché sous ses traits, mais il s'est aussi caché sous les traits de Martha. Et là, il vient voir Wayne en lui disant j'ai vu ce que vous avez fait, donc je veux me joindre à vous. Ouais, moi j'aurais été brûlé, j'aurais dit ouais, mais t'aurais pu te venir avant parce que on a failli éviter la catastrophe, quoi. Ouais, je veux aider l'humanité. Bah, fallait venir il y a 2 jours parce que là, on a failli tous crever. Parce que là, t'arrives une fois que la guerre elle est finie. Ouais, la guerre elle est finie, mon pote. Donc c'est un peu ridicule, quoi. C'est vraiment le truc de fan service, quoi. C'est pour teaser un Martian Manhunter, hein, tout simplement. Ouais, pour le 2, quoi. Ou pour un film Martian Manhunter. Ouais, je sais pas si ça va aller dans ce sens-là parce que. Ah non, ça n'ira nulle part. Snyder Cut, il y a plus rien. Bah, Snyder Cut, si, pareil qu'ils sont toujours sur le film Flash, apparemment. Celui-là, il était confirmé. Avec le même acteur de la Justice League. Donc. Bah, je sais pas si j'aurais été le voir au cinéma, s'il aurait duré 4 heures. Enfin, dit le mec qui a vu la version longue de Elysée des Anneaux. Les trois, exactement. Mais tu comprends beaucoup mieux où Snyder voulait en venir que plutôt l'autre où le film part. Bah, il y a plus de cohérence dans le scénario, quoi, déjà. Beaucoup plus de cohérence. Et puis, on va dire que, on peut dire aussi que Avengers Endgame durait plus de 3 heures, hein, si je me souviens bien, ou pas loin, quoi. Ouais, mais pourtant, Endgame, c'était pas le mieux réussi. Ah non, moi, je préfère regarder Justice League version longue qu'Avengers Endgame. Il y a beaucoup plus d'enjeux et de scènes intéressantes. Ouais, tu vois, comme quoi la vision d'un réalisateur, ça peut tout faire dans le film. Ouais, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette longue campagne. C'est un peu grâce aux fans que cette version, elle s'est montée. Hein, entre guillemets, j'irais grâce aux fans et grâce au Covid. Parce qu'à mon avis, c'est un moyen de faire rentrer du blé dans les caisses en plus, tu vois. Ouais, je suis sûr que c'est ça. Hein. Il fallait avoir une espèce de gros blockbuster pour HBO, quoi. Tu vois ce que je veux dire. Rentabilisons et faisons un gros blockbuster de la mort et tu le sors en HBO Max comme ça. T'as même pas à produire les droits cinéma et puis comme ça l'argent il rentre quoi. Mais il paraît que j'avais entendu que ils avaient eu les mêmes résultats que Commander Woman, c'est-à-dire sur HBO Max, c'est ça avait pas ramené autant de public qu'il espérait quoi, c'est ça. De toute façon les sites de stream ramènent toujours moins de public que les cinémas, mais là en ce moment bon c'est un peu mort les cinémas. Bah non mais bon, je veux dire quand t'as un bel écran à je sais pas 1 500 euros par exemple. Et que tu peux regarder un film comme ça, bon t'as pas la sensation cinéma, je suis d'accord, mais quand t'as un home cinéma qui pète bien, tu peux retrouver au moins la moitié des sensations quoi. Ouais, mais j'ai dû me faire mes popcorn tout seul. D'ailleurs, bon, je sais pas ce que tu penses de ce format carré, parce que c'est un peu c'est pas choquant, mais c'est un peu atypique par rapport à tous les films qu'on peut voir en 16:9 quoi. Ouais, puis c'est un peu dommage, moi j'ai un bel écran 16:9, j'ai dû regarder avec deux morceaux coupés. Bon, donc quand t'as l'impression de voir un film, parce que dans le temps, il y a beaucoup de films qui étaient encore en 4 tiers, on va dire. Et là, t'as un film en 4 tiers, mais un film épique en 4 tiers, tu vois. Donc t'as l'impression de regarder un téléfilm, quoi. Non, puis un film épique en 4 tiers avec des effets spéciaux, franchement, là. Ah ouais, oui. J'ai pas vu de fond vert dégueulasse, j'ai mal regardé. Et ouais, bah du coup, bah c'est pas grave, hein, c'est en 4 tiers, mais ça te mange une bonne partie de l'écran. Mais c'est quand même atypique, tu vois, par rapport. Ah, très atypique, hein. Ouais, ça se démarque des autres films, parce que les autres films comme Man of Steel ou BVS, bah ils sont en 16:9, quoi, ils sont dans le format cinéma. Puis là, t'as un film qui est en format télévisé, quoi, tu vois, un truc comme ça, quoi. C'est un téléfilm. Un téléfilm de luxe, attention. Je sais plus à combien c'est les budgets, mais ça doit être dans les 70 millions de dollars, un truc comme ça, plus que ça peut-être. Ouais, ça vaut mieux que Mosquitos. On n'est pas comme ça, quoi, mais c'est tout, quoi. Mais voilà, quoi. Mais 4 heures, je vais pas dire que ça passe tout seul. Moi, je la regarde en 2 fois. Ouais, il y a des longueurs quand même. Ouais. Je l'ai regardé en 4 fois. À 4 fois, toi. Bah, à chaque chapitre. Comme ça, je me crée un cliffhanger suspense pour le lendemain. Ouais. Mais moi, je voulais aussi, toi, je voulais vraiment faire les 4 heures d'un coup. Et puis, je me suis dit, non, je vais quand même faire une pause entre deux parce que c'est trop long. Et même si c'est passionnant et que tu as envie de savoir ce qui va se passer. Mais disons que c'est pas un grand film, mais c'est dans l'univers du DCEU. C'est quand même un film marquant, quoi. Et ben moi je vais te rejoindre, c'est pas un grand film, mais c'est un grand divertissement. Ouais, c'est pour être honnête, ouais. T'en prends quand même plein les yeux, et t'as clairement l'impression qu'il est très amoindri d'être pris pour un con sur la Ligue. C'est ça. Et est-ce qu'on peut peut-être faire une espèce de, pas de top 5, mais de dire, pour toi, quel est le meilleur film du DCEU par exemple? Alors si je prends comme exemple. Ah bah pour moi, ça reste Suicide Squad. Je m'attendais au troll, mais c'est pas grave. On est le 2 avril, donc il y a un peu en retard, mais il faut l'excuser. Il y a Man of Steel, ça commence par Man of Steel. Il y a eu Batman vs Superman. Il y a eu The Suicide Squad. Bon, il sera dans le dernier du panier. Justice League. 2017. Bon, on va oublier la version de 2017, toute pourrave. Il y a Shazam. Oh, Shazam, putain, je l'avais oublié celui-là. Il y a et les deux Wonder Woman. Ouais, il y a Bird of Prey aussi. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que quoique je sais pas, des fois il y a pas d'univers partagé là-dedans pour moi. Il y a que Harley Quinn, c'est bah tout. Ouais, quasiment. Sinon, y a pas parce qu'il parle pas de Batman ni rien. Voilà quoi, il y a tous ces films. Quel est le meilleur pour toi? La Snyder's Cut. C'est le seul où je me suis moins fait chier. Mais parce qu'il est récent. Faudrait que je les revoie tous, sinon. Parce que BVS, j'avais pris une bonne, un bon truc. Et après, c'est vrai que Man of Steel, ça faisait du bien de voir un Superman plus fragile, en fait. Bah, moi, je vais mettre Man of Steel en tête de ça, tu vois. Après, je mettrai certainement BVS. Je sais pas, j'ai une préférence pour BVS. Version longue, même, alors. Hein. Ouais, même si ça me dérange beaucoup qu'ils aient mis le combat contre Doomsday, qui pour moi devait arriver beaucoup plus tard dans les films, même après Justice League pour moi, parce que par rapport à la continuité du comics et le fait que Superman ait très peu de passifs finalement. Ouais, mais c'est parce que t'es un fanboy comics toi, mais sinon. Mais non, pas comme ça, mais bon. Non, sinon c'est trop enchaîné dans le film. Ouais. C'est-à-dire que cet enjeu-là, plus cet enjeu-là, plus cet enjeu-là, et puis t'arrives à Doomsday, tu sais pas trop comment, et puis t'as Diana qui arrive, tu sais pas comment. Ah, le problème, c'est que dans BVS, t'as l'adaptation de. Ils prennent une partie de Dark Knight Returns de Frank Miller, ils prennent ça, et puis ils t'enchaînent sur la mort de Superman. Donc moi je trouve que ça va pas quoi. C'est rapide, c'est trop rapide. L'enchaînement il est pas bon quoi. Faudrait une version de 4 heures. Oh Snyder, si tu nous écoutes. Après t'as la Justice League et puis après t'as plus rien. Ouais. Parce que j'ai oublié Aquaman aussi dans la liste. Ah ouais, putain, on oublie Aquaman. Ouais. Et Bird of Prey, moi je le mets en moins 20. Si je sais plus combien 4 films, mais si on est à top 10, bah Bird of Prey c'est le dernier, c'est obligé. Bah, c'est encore après. Donc le. Je le mets encore après le nouveau dernier. The Suicide Squad de James Gunn. Bah, je mets dans mes. Non, il va peut-être être plus mauvais que Bird of Prey, on n'en sait rien. Oh, bah, je sais pas, hein. Ouais. Ça, on verra. Ah ouais, le dernier Suicide Squad. Ouais, c'est ça, en fait. Ah, ça, je suis pas pressé de le voir. Ouais. Hein. On va peut-être enchaîner sur, sur ce trailer, vite fait, là, ou... Bah, alors, vite fait, parce qu'il y a pas grand chose à raconter. Non, il y a pas, vu qu'on est dans le DCU. Voilà, bah, je sais pas, non, mais moi, ça, j'aimerais bien le voir quand même, ce Suicide Squad, parce que pour une fois que le DC Universe arrive à se renouveler un petit peu. Non, je déconne, ça a l'air d'être une grosse bouse. Ça a l'air d'être une grosse merde. Alors, je vais raconter un petit peu comment ça s'est passé, notre premier échange sur ce trailer, parce qu'il faut le partager, hein. Tout se partage maintenant, que ce soit par Facebook, par Instagram, enfin, les réseaux sociaux. Mais là, on s'est communiqué par mail, et puis moi, j'envoie le lien vers le trailer de Suicide Squad. Ouais, de Suicide Squad, Suicide donc, Squad. Et puis, je reçois une réponse, et puis je vois la première phrase, et je dis, ah ouais, c'est génial ceci, cela. Mais j'ai fait une tête, mais je vous dis pas, mais je pense que vous auriez éclaté tous de rire. J'étais facepalm, comme on dit, c'est ça. Ah ouais, ouais, facepalm. J'ai dit, je veux bien être tolérant, mais là, il y a quelque chose qui est arrivé, là. Il s'est fait, il a été possédé par l'esprit d'un démon, c'est pas possible. Ouais, j'étais possédé par... Je lis la deuxième phrase, et là, je vous jure que mon rythme cardiaque, il est redevenu normal, tu vois, le truc. Quoi. J'étais possédé par Trigone. Ouais. Donc, il m'a fait un gros troll. C'était pas le 1er avril, hein, c'était bien avant, en plus. Je vous jure que, bon, sur le coup, il y avait un suspense, on va dire, lettré, on va dire, littéraire, un petit peu. Donc, voilà, quoi. Mais revenons sur ce film qui va donc sortir en août. Moi, je doute que, à mon avis, il sortira pas au cinéma, une fois de plus, mais bon. Ça risque d'être compliqué, hein. Donc, ce film réalisé par James Gunn qui est connu pour la série des Gardiens de la Galaxie. Alors, moi, j'avais bien aimé le premier, mais le 2, je trouvais ça nul. Premier, ça allait. Ouais. T'avais la nouveauté, ouais. T'avais les personnages, machin, puis il y avait un vrai scénario, quoi. Bah, je trouve même, l'enjeu, il était un peu mieux. Enfin, ouais. Voilà. Ouais. Ça t'amenait un peu les pierres d'infinité aussi. Voir le 2, bah, c'est mauvais, hein. Même s'il y avait Kurt Russell, un acteur que j'aime beaucoup, j'ai trouvé ça vraiment mauvais, quoi. Mais de bout à bout. Avec le caméo de Stallone, quoi, d'ailleurs. Ah, ouais. On va en parler de Stallone. Il y a aussi Stallone dans Suicide Squad 2. Hein. Ouais, mais on va en parler de ce trailer là parce que ça va pas trop longtemps. Il faut pas. Donc quelques mots quand même parce que de James Gunn avec dans les rôles principaux, Margot Robbie bien sûr dans le rôle d'Harley Quinn. Hein. Ça fait la troisième fois qu'elle l'endosse. Je sais pas si elle va pas faire un Harley Quinn par an aussi elle parce que apparemment sa carrière n'a pas l'air trop de décoller non plus. Le Harley Quinn Universe. Donc un Bird of Prey numéro 2 ou j'en sais rien ou Harley Quinn. De toute façon il y a tellement de dérivés dans le comics de Harley Quinn qu'ils peuvent faire des films s'ils veulent. On a le retour de Joel Kinnaman qui est dans le rôle de Rick Flag qui était déjà dans le précédent. Il y a aussi Idris Elba qui joue, je sais plus, Def Locke, un truc comme ça. Enfin bref. Puis on a aussi le catcheur John Cena, peut-être que tu connais de nom. Ça non, rien. Ouais, puis plein d'acteurs dont Peter Capaldi qui était un ancien Doctor Who. Là je connais déjà mieux. Ouais ouais. Donc dans ce trailer, on va pas résumer, mais bon, t'as le retour de Amanda Waller qui recrute Amanda Waller que dans le précédent d'ailleurs. C'est déjà pas bon signe hein, quand il faut revenir les anciens acteurs. Ils recrutent une autre équipe qui est différente. Donc pas de Steve Nutt cette fois-ci. Non, c'est dommage. Hein. Ouais. Ils auraient pu le ressusciter. Bon, salut, hein. Je casse. Donc le mec explose. Voilà pour le clin d'œil. C'est tout. Et le mec fait 5 minutes dans le film, quoi, même pas. Bon. Donc voilà quoi, là ils sont, je crois qu'il doit y avoir une quinzaine de noms au générique, tu sais, une quinzaine de personnages, dont deux personnages numériques. Donc comme tu disais, il y a King Shark qui King est doublé par Sly. Puis on a cette première version du trailer avec soi-disant Red Band. Enfin excuse-moi, mais à part les scènes où il y a King Shark qui déchire un mec en deux ou qui mange un gars, j'ai pas trouvé que c'était super violent quoi. Mm. C'est Venom était encore plus violent. Ouais ouais, c'est ça. Donc dans ce trailer, c'est la bonne humeur hein, c'est on fait la fête, on boit, on fait des blagues. Bon, c'est pas grave si on bute tout le monde, il y a aucune gravité pour moi. Non, puis ils ont pris tout ce qui marchait pas dans le 1, ils se sont dit ça a pas marché, on va le remettre dans le 2. On va faire x100, tu vois le truc. Donc il y a du LOL partout quoi. Ça rigole de tous les côtés, donc c'est le gros film fun alors que Suicide Squad à la base, c'est quand même quelque chose de sombre dans l'univers DC. C'est plus dark normalement hein, Suicide Squad. C'est les super vilains qu'ils ont. Suicide Squad, enfin, c'est-à-dire l'équipe suicide. Ils ont aucun. Je sais qu'il y a des 80% de chances que je vais mourir au combat, je fais pas des blagues tous les jours. Hein, même. Ouais, ils ont l'air d'être en camp de vacances, quoi, quand tu les vois. Ouais, limite, ouais. Bon, ça a l'air mauvais, moi j'ai pas envie de le regarder, quoi. Oh, j'ai pas envie non plus. Oh, c'est tout. Là, je passerai mon chemin. Ouais. Je verrai si nos sponsors y vont, mais sinon, je passerai mon chemin. Sponsor, ouais. Est-ce qu'il faut consacrer du temps à regarder un film pareil? C'est ça le truc. Non, ça vaut pas le coup. En plus, il n'y a pas Slipknot. Non, ça vaut pas le coup. Bon, je vais dire, il y a Margot Robbie, mais bon, Margot Robbie, le problème, c'est que elle a toujours les mêmes mimiques, toujours les mêmes grimaces. Non, il n'y a rien qui varie, quoi. Elle peut pas porter un film d'envergure à elle toute seule. C'est techniquement pas possible. À partir du moment où t'as squat dans le nom de ton film, il faut que l'équipe marche. Ouais, l'esprit d'équipe, mais bon, apparemment, mais une fois de plus, dans la bande-annonce, c'est elle qui est mise en avant, et puis avec deux, trois personnages à côté, quoi. Bah, c'est la tête d'affiche. Hein. Puis les autres, dégage, quoi. T'es un figurant, quoi. Mm. T'as pas le dit, on le voit trois secondes dans le trailer. Ouais. Voilà, quoi. Ouais, voilà, un petit avis rapidement pour conclure ce DCEU. On va y revenir d'ailleurs dans une prochaine émission.